exister avec le plus de langues possible et pas à les écraser en étant les seules, et qu'elles puissent leur richesse dans le fait qu'elles sont nombreuses, ces langues rebelles. Du coup, ça pose la question du nom de cette émission de radio qui s'appelle bien sûr Langue Rebelle. Et du coup, qu'est-ce que tu entends, Eric, par ce terme de langue rebelle ? Langue rebelle, en fait, comme le disait Michael, hein, c'est surtout des locuteurs en fait, qui cherchent à exister avec, avec leur identité, quoi, leur culture, et face à d'autres locuteurs qui utilisent une langue qui véhicule comment dire, des postures de domination. Et du coup, ça peut être assez large, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une langue, une langue rebelle je veux dire, la langue des ados, les langues que s'inventent les ados, c'est aussi des langues de rébellion, quelque part. Donc c'est assez large comme concept. Après, dans notre cas, c'est vrai que nous, souvent, on est dans le cas où on va utiliser nos langues régionales comme des langues de rébellion. Face à des choses qu'on a subies. Excuse-moi, j'ai failli te couper. Mais je me demandais quelle forme ça pouvait prendre dans la vie quotidienne, cette rébellion avec les langues rebelles. Bah, en tout cas, moi, dans ma vie, la rébellion la plus immédiate et la plus souvent vécue, c'est face à des comportements bourgeois choquants. Et qui sont pour moi culturellement choquants, en fait, bah, c'est de s'exprimer en arpitant et puis de dire des choses, notamment de dire à quelqu'un, ça c'est très insolentant, en fait, mais c'est une petite chose, hein, c'est juste un mot, mais qui en dit long. En tout cas, culturellement, c'est quelque chose qui véhicule beaucoup de non-dits. Ah, il y a l'idée de pas subir, toujours, de souvent, en fait, il y a des personnes quand me boutent à parler en oushito, en arpitan ou une autre langue, qui me disent « tu ferais mieux de parler français ». Et en fait, mais par quel se prend pour me dire à quoi ? Est-ce la personne se prend par mon éducateur, mon éducatrice, ça ne sait pas. Et du coup, yo, quand on décide de parler une langue ou une autre, qu'est-ce une décision qu'elle prenne, elle n'a pas besoin d'une personne pour m'expliquer ce qu'elle fait à un moment ou à un autre. Et la posture des décisions, qu'à un moment, par la règle d'une langue ou une autre, qu'est-ce à quoi, qu'est-ce une posture de non-subir. Surtout qu'en général, on s'adapte aussi aux personnes qu'on a en face. Si on sent qu'elles sont ouvertes à comprendre ce qui est dit, et c'est ce que tu disais tout à l'heure avant l'émission, Eric. Ouais. Cette idée-là qu'on est capable tout seul aussi de saisir quand est-ce qu'on peut parler, quand est-ce qu'on peut se faire comprendre ou pas dans la langue dans laquelle on a envie de parler. En fait, j'ai l'impression que quelque part, c'est surtout une question de cœur, c'est-à-dire qu'on va s'exprimer avec le cœur dans la langue qui convient mieux à l'instant donné. Et typiquement, ces histoires de rébellion, finalement, c'est lié à ça. C'est lié à des situations qui sont pour le cœur, qui sont pas acceptables, en fait. Mm-hmm. Et donc on va s'exprimer, le cœur s'exprime et parfois il s'exprime dans la langue dans une autre langue que le français. Moi, je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais des langues que s'inventent les ados, et pour moi, dans une langue rebelle, il y a aussi, en termes de posture, une posture créative, et ce qui rejoint ce truc de parler avec le cœur, de dire qu'une langue, elle doit bouger en permanence. Et que si elle est verrouillée, tu peux pas, elle peut pas vraiment exprimer ce que tu ressens, parce que ce que tu ressens, c'est en perpétuelle évolution. Enfin, il y a des nouveaux concepts, des nouvelles choses qui arrivent. Et ouais, je sais pas. Pour moi, une langue qui ouvre à une part d'invention, elle est forcément rebelle. Et ça me semble assez important. Pour moi, c'est une dimension qui me parle beaucoup. Mais alors. Pardon, mais je reste un peu frustrée parce que j'ai pas eu d'exemple concret de moment d'utilisation que vous auriez d'une langue rebelle, si je peux me permettre. Moi, je pense par exemple que voilà, il y a des moments où je parle, j'ai une certaine manière de parler. Puis il y a des moments où clairement, je fais exprès de reprendre un peu un parler quartier, et puis avec des mots inventés il y a deux semaines, histoire que. Je sais pas, de brouiller les pistes. Est-ce que vous-même, vous avez des petites des petites choses comme ça à partager, des moments vraiment que, dans lesquels vous vous souvenez avoir utilisé telle ou telle langue exprès pour marquer quelque chose. Yo, il y a le souvenir un jour qu'il roule à la gare, il roule en plein hiver, et il y a eu la, comment ça s'appelle, la police, je ne savais pas si vous connaissez quel organisme, qui roule d'intra dans la gare, et avions comme mission de passer à défaut, d'éjecter la personne qui n'avait pas des billets, des trains, parce qu'il y a une nouvelle législation pour dire de sortir la personne, et Perio n'est pas acceptable comme situation, parce qu'il faisait au frais. Et du coup, me disait, s'ils sortent ma billette directement, ça serait collaborer à tout, de quel organisme qui s'est réintroduit dans la gare, sans demander d'autorisation aux personnes présentes. Hein. Et donc, à être ça aussi, des faire dur à looter. Au moment qu'ils sont arrivés là, les représentants de quel organisme, me demanda mon billet des trains, leur a répondu que, ben, que ne comprenaient pas ce que me disaient, et que tant qu'ils me parleraient comme quelqu'un tiens une langue de colonisation, n'aurait pas de réponse à leur de leur baya. Donc, fait tu leur parlais en arpitan. Leur ai parlé en arpitan. Et fait durer un petit moment. Après, son bitam parle en anglais. Leur a dit non, mais monsieur, c'est forésien, c'est pas anglais. Donc, il pas la peine de me parler anglais. Que ça d'aller chercher une langue si lointaine. Et du coup, comme a pas duré longtemps, a pas duré longtemps, mais à force, et baya me présente à mon billet quand même. M'a et permis-tu à des personnes qui ont fray de rester au dessous quelques minutes supplémentaires et ben tiens. Ouais. Ils sont rebellés contre ta temps, rébellion, ouais. Parler en anglais. Bah son état perdu en fait que. Il y a un monchu qui a bien parlé de ça, qui s'appelle René Merle, qui a écrit sur les toutes les rébellions du 19e. Il y a décrit sur le net, mais je pense qu'il y a un livre à ce bain qui s'appelle Langue du peuple, arme du peuple. Tu l'as lésu, t'es, Michael? Non. Mais il est franc intéressé parce qu'il montre que le monde s'est tu à écrire et Narpetan qui et parle de l'Ocanu et parle de la Vala du J à ce bain. Parle-là de roquille, tu le connais? Ouais, roquille. Tu le connais bien, t'es roquille. A tsozi d'écrire en Narpetan pour défendre la classe ouvrière? Parce qu'elle n'est pas trop, par l'avion pas, par l'avion iront pas intégra, et par l'avion bas français, et donc à être sapa la censure en écrivant en arpitan, et a pu faire de poésie en arpitan qui défendait la classe ouvrière d'une vieille efficace. Et par rapport à l'anecdote que tu racontais aussi, moi Janine a raconté un peu similaire. En fait, je trouve que des langues comme ça, elles peuvent avoir face à des institutions de l'État un potentiel vraiment subversif parce qu'elles ne sont pas présentes dans le système. Et du coup, quand tu réponds à une administration, par exemple, dans une langue régionale, ça bloque complètement le truc. Je sais que mon grand-père, quand il y avait des administrations qu'il appelait, il répondait en occitan, il parlait très bien français, mais il leur disait « Comprendi pas, ce qu'est dit ?» Et il faisait durer, il faisait l'idiot, et pendant jusqu'à ce que les gens raccrochent, elle laisse tomber, parce que ça marchait pas, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas une histoire comme quoi on a le droit d'écrire des courriers ou de répondre à des courriers en arpitan, enfin, dans une langue régionale. Une langue rebelle. Autant pour moi. Mais c'est vrai, non, on a pas le droit de faire ça. Alors, il y a une législation sous ACO qui est marquée que c'est pour écrire une courrier officiel d'une notre langue à condition d'ébouter la traduction en français sur le même document. Mais parce que c'est quand même important de vous faire, et de vous faire systématiquement, parce qu'il montre à l'administration qu'il existe la langue. Oui, moi on vous encourage bien à répondre à la CAF dans votre langue ou Apple Emploi quand on vous donne des rendez-vous, faut pas hésiter. Je suis sûre que ça leur fera plaisir en plus. On vous encourage aussi à bien danser sur le prochain morceau. Quelqu'un ou quelqu'une veut le présenter? Ben, le nom c'est Gâté. Exactement. Comme se faire un gâté. Comme pourri gâté, moi j'entendais plutôt. Mais bon, ah non, moi je le voyais plutôt comme un gâté, un câlin quoi. Ah, on dit un câlin, un gâté. Ah, tu disais un gâté. Oh, viens mon petit blé, que je te fasse un petit gâté. Mais oui. Allez, c'est parti. Ça fait quoi? quoi ça fait? Ça fait quoi ça fait? Nous peuples bizarres, nous peuples étranges, nous peuples bizarres, nous peuples étranges. Nous être, dis-le-moi toi qui le sais. Pourquoi nous aimer nos vieilles dictatures, empereur, roi, soleil? Pourquoi nous vouloir nouvelle dictature? Nos lettres de grandeur, nos palmes académiques. Je ne veux plus chanter les palmes académiques. Je ne veux plus chanter les lois académiques. Le pronom, le sujet, le général, le commandant. Que eux muets, dictateur cynique. Nous peuples bizarres, nous peuples étranges, nous peuples bizarres, nous peuples étranges. Nous être, dis-le-moi toi qui le sais. Pourquoi nous peuples gâtés, gâtés téléphonie, gâtés jouets d'enfants, gâtés viande au repas, gâtés mange beaucoup, gâtés mange trop gras. Qui gâte, énergie nucléaire, automobile, armement. Énergie nucléaire, pétrochimie, armement. Nous, cage dorée, la cage rétrécie. L'idiot gâté joué, ne voit pas qui profite. Achète les jouets, jette les jouets. Achète les jouets, jette les jouets. Gâté vieil immigrant, refuse réfugié. Gâté peur de manquer, partage pas le gâteau. Achète les jouets, jette les jouets. Achète les jouets, jette les jouets. Gâté vos prix chinois, gâté crash chinois. Gâté nouveau gadget, fabriqué par esclaves. Gâté ignore esclave. Achète les jouets, jette les jouets. Achète les jouets, jette les jouets. Je ne veux pas de jouets, je ne suis plus un enfant. Je ne veux pas de jouets, je ne suis plus un enfant. Le frigo rempli, vote pour les fascistes. Le frigo rempli, gâté ne vote pas. Gâté veut profiter, gâté ne vote pas. La voiture astiquée, vote pour les fascistes. Le frigo rempli, gâté ne vote pas. Gâté veut profiter, veut jouir de son bon droit. Ne le protège pas, le laisse faire bouffer par les assassins des finances, par les violeurs des finances. Par les assassins des finances, par les violeurs des finances. Le laisse faire bouffer par escrocs gouvernement. Ne manifeste pas, ne défend pas ses droits. Achète les jouets, jette les jouets. Achète les jouets, jette les jouets. Gâté voiture jouée, gâté téléphone joué. Gâté tablette jouée, gâté ordi joué. Gâté télé joué, gâté téléphone joué. Gâté télé joué, gâté voiture joué. Je ne veux pas de jouer, je ne suis plus un enfant. Je ne veux pas de jouer, je ne suis plus un enfant. Gâté veut tout manger, gâté mange de la merde, gâté pornographie, gâté boulimie, gâté soporifique, gâté amnésique. Nous peuples bizarres, nous peuples étranges, nous peuples bizarres, nous peuples étranges. Nous des années d'école, nous connaît rien d'histoire. Nous être, dis-le-moi toi qui le sais. Pourquoi nous ignorer, ignorant du passé, ignorant historique, ignorant politique, ignorant de nous-mêmes. Nous des années d'école, pour voter fasciste. Nous être, dis-le-moi toi qui le sais. Pourquoi gâter, gâter? Pourquoi gâter, gâter? Pourquoi gâter, gâter? Pourquoi gâter, gâter? Pour le rendre idiot, pour le rendre idiot, pour le rendre idiot. Gâter, idiot, gâter. J'ai mal à dire, mais pas là. Là, c'est mes bonnes tailles. Vous êtes toujours sur Langue Rebelle, 89.5 Radio Dio. 89.5 Radio Joe. Alors c'est reparti, on continue. Où est-ce qu'on a été ? On parlait de la posture des langues. Et là, on est censé avoir une petite discussion, je crois. Tout à fait. Un coup qui remarqua sur le papier. Hein. Et donc, on en était à... Il y avait cette idée de... On se répète peut-être un peu, mais en fonction du contexte, une langue, elle peut être... En fait, une langue peut être à la fois dans un rapport de domination dans un certain contexte et dans un rapport, enfin, de subir la domination dans un autre contexte. C'est pas ça, par exemple, à la langue arabe qui n'a pas la même situation en Palestine ou en Kabylie. Tout à fait. Selon le territoire, le point de vue et tout ça. Parce que, par exemple, si je peux citer un petit exemple. À côté ou par-dessus, ou, voilà, la Palestine, eh bien, les Israéliens utilisent trois mots, vraiment super quotidiennement, et même dans certains guides touristiques, en fait, on vous les met comme des mots-clés à utiliser. Donc, les trois mots, c'est Yalla, que vous connaissez peut-être, qui veut dire aller, ou genre on y va. Il y a Beseder, qui veut dire ok. C'est bon. Et Sababa, ça veut dire c'est super. Et donc, voilà, ça, c'est un peu les trois mots les plus utilisés par les jeunes Israéliens. Et ce sont des mots arabes, qui se sont fait... Enfin, comme si la langue commençait à se faire engloutir, parce qu'il y en a certainement d'autres que je n'ai pas. Et puis, ça marche aussi dans la culture où voilà, il y en a plein qui aiment le houmous, le couscous, le baba ganoush, etc. Bah, y a beaucoup ça aussi en France, quoi, avec les mots arabes qui sont... Et voilà, exactement. Qui sont siphonnés là, par le français et qu'à côté, bah, on ne traite pas très bien les gens dont c'est la langue. Mais un exemple de rébellion qui n'est peut-être pas clair, mais finalement, en fait, c'est par la langue, on arrive aussi à faire dire des choses que certaines personnes n'aimeraient pas. Enfin, si on leur disait ça, enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, qu'il y a peut-être un côté un peu impertinent à faire dire à des gens des mots en arabe alors que c'est des gros racistes, quoi. Je sais pas. Ben, voilà, c'est quand même assez cool. Qu'on discrédite le racisme, en fait, qu'on bat une non-sens à le racisme qui est pas réalisable dans la réalité. La réalité pour pas marcher le racisme. Okay. Bah ça, effectivement, j'aimerais bien. En fait, dans la dernière émission, je vous parlais d'une conférence de Marielle Rispaï. Du coup, j'y suis allée et il y avait deux nanas qui répétaient tout le temps ouais, il faut défendre la langue française, défendre la langue française et tout. Puis j'aurais bien aimé les interviewer, mais c'était un peu sportif de faire face à elles. Et du coup, en fait, je leur demandais mais quelle langue française vous voulez défendre ? Et c'était impossible de leur tirer une réponse. Et du coup, elle me disait, non, mais vous savez, la langue française, c'est la beauté de la langue française. Et maintenant qu'on en parle, j'aurais trop aimé, j'aurais sorti l'exemple de je sais pas, du mot hôpital qui avant se disait hospital, mais effectivement, j'aurais dû leur dire, mais qu'est-ce que vous faites du mot jupe, orange, alchimie, et enfin, comment on disait avant, voilà, toubib, enfin, tout ça. Chalet, avalanche. Tout ça, voilà. C'est... Amour. En français, normalement, ça aurait eu hammer. Et après, le mot citant est amour. Ah ouais. Et le monde se contente de dire amour, on leur pose pas des problèmes de pas dire hammer. Eh oui. Ah, faut que je les retrouve. Bah, peut-être qu'elles les écoutent, Langue Rebelle, et qu'elles appelleront, elles enverront un petit mail à notre contact. Oui, ça me tourne à dire le contact. Oui, on a une adresse mail. Donc c'est Langue Rebelle. Je l'ai noté quelque part. Ah oui, LENGAS-6 rebelas@riseup.net. Voilà. Donc, et... at, c'est dit arobe, nous citons. Ah, pardon. Arobe. Anushito. C'est beau. Nombreux et nombreuses auditeurs, auditrices peuvent nous envoyer des mails. On sait qu'on en a au moins deux aujourd'hui. Ouais. Et pas le mail, la boîte mail, c'est pas. Il n'y a pas des retenues sur le coup. Ah, mais c'est vrai, on fait un bisou à nos deux auditeurs du jour, Z et L. Des mimi. Des gâtés. Là, on s'est un petit peu égaré, oui. J'ai l'impression. C'est l'émotion des bisous. Mais peut-être pourrions-nous nous égarer dans la nuit Poétiquement. Tout de suite ou... Je ne sais pas, non. Moi, je trouve qu'il y avait aussi, dans les trucs qui avaient été évoqués, dont on a parlé avant l'émission, sur les postures de langue, par exemple sur le français, justement, sur le français ici, qui est vraiment une langue coloniale et de domination, et qui, au Québec, est peut-être plus une langue minoritaire, et où le fait de défendre cette langue est complètement différent, ça porte pas le même sens. Et selon la manière dont les langues se situent dans l'espace linguistique, elles n'ont pas la même posture, elles ont pas, elles portent pas les mêmes choses. Oui, c'est vrai. C'est, en fait, c'est les locuteurs qui sont dominés, tout plus que les langues. Et souvent quand disent qu'une langue, quand disent qu'elle parle une langue comme l'ushito, le monde nous disons mais c'est pas des valous, a pas des valous parce qu'elle a pas de gros volume et pas une langue qui est présente de partout. Et du coup quand disent ben du coup a pas des valous le français au Canada. Et leur posture sans, c'est aussi parce que je le français. Mm-mm. Donc, qu'est-ce pas le volume qui fait la valou, qu'est-ce la considération. Tout le reste, tout ce qui dit une langue, tout ce qui permet. Et moi Betia. Betia. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Eric? Parce moi, que... j'avais plein de trucs à raconter. Non, mais ouais, j'ai parlé de René Merle tout à l'heure qui en fait, expliquait comment l'arpitan a permis. Comment dire, d'entretenir les résistances ouvrières, mais c'est une posture qui existe depuis très longtemps. Je prenais l'exemple des moqueries savoyardes du XVIIe, début XVIIe en fait, 1600, où les gens, pour se moquer du duc de Savoie, évidemment, ils utilisaient leur piton. Ça sert à la fois de crypto-langage, mais aussi d'espace de liberté. Mmh. Et en plus, je pense qu'aujourd'hui, à l'époque moderne, c'est un espace de liberté dans lequel... on ne subit pas, en fait, le trafic lexical de la novlangue qu'on subit en français, en fait. Qu'est-ce que tu Parce veux dire? Parce qu'il n'y a pas le même travail, en fait, derrière d'officine pour t'inventer des nouveaux mots qui te sucent le cerveau, en fait. J'ai pas compris le... On subit pas quoi? Qu'est-ce qu'on subit pas? Là, en français, on a beaucoup de novlangues, en fait, des mots qu'on invente, je sais pas, on a plein d'exemples. Le journaliste qui invente ton écho, par exemple. Les victimes collatérales, collatérales, tu vois, typique. Bon. La vidéo, la vidéo protection. Dans les langues qui sont pas dominantes, on subit pas ça. Du coup, ta pensée, elle est pas non plus contrôlée par ces jeux... sur les mots, en fait, qui te font voir les choses complètement différemment. La répression linguistique. Parce que c'est toi qui as les outils dans tes mains, quoi. C'est toi qui as ce recours créatif à la langue. C'est un vrai espace de liberté, en fait. Par exemple, le verlan ou des langues comme ça, c'est comment pousser la créativité à partir du français, à partir de langues qui sont des langues dominantes, et justement les dégager en disant ce qu'on veut avec. C'est important. D'ailleurs, je passe une annonce là, comme on est à la radio. Si quelqu'un sait, parce que je l'ai entendu dans une chanson, puis j'arrive pas à savoir ce qu'est, si quelqu'un sait ce que c'est que l'IPCIT, qu'il envoie ou qu'elle envoie un mail. Bisous. L'IPCIT ? Ouais. C'est un rappeur Damso qui chante ça, puis j'ai pas eu le temps de chercher, alors participer à l'émission, quoi. Envoyez-moi la définition, quoi. Ok. Je trouve qu'il y a tout un truc intéressant à voir sur comment on rend le français moins français, et avec les accents notamment aussi. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, c'est de faire ressurgir des langues régionales avec les accents régionaux, alors que le français qu'il y a dans les médias, le français qu'on écoute habituellement, il est extrêmement lissé. Et on essaye de supprimer les accents et de faire disparaître toutes ces particularités, et le fait de l'affirmer et de refuser de lisser son langage, c'est important. Enfin, même moi, j'ai l'impression quand on parle ici que je me mets à avoir une espèce de voix radiophonique un peu débilosse et hyper lisse, alors que en vrai je parle pas comme ça. C'est la rébellion à la glottophobie. Mais fallait penser ça à mon premier jour des lycées en seconde, et le premier jour des mathématiques, et à l'appel, le professeur me dit mon nom, et elle a répondu ouais. Elle m'a dit, mais non, il faut dire oui. Elle lui a dit, comprenait pas pourquoi vous n'avez pas dire oui, mais elle a dit 7 ou 8 ouais, et jamais oui. Elle n'a pas soucheté, elle n'a pas lâché prise. Et comprennent pourquoi, mais mon samina main des vieux, elle comprennent le retour, perché avait cette réaction, mais à l'époque, là, il fallait un peu instinct, et pas un peu la pensa, mais il ne me semblait pas acceptable de prendre sa forme que me proposait pas, que m'imposait. Je me disais, ouais, parce qu'il y avait le mot qui m'est venu. Le mot du queue. Mais tiens, alors que à quel homme me demandait une autre forme, et me demandait pas s'il m'agradait, s'il est content ou pas content de l'utiliser. Ben non. Et voulait te normaliser. Et bien là, pour illustrer la création des mots, la création des textes, pour un santa. Oui, parce que c'est vrai que la chorale révolutionnaire décoloniale, c'est un peu son nouveau nom, je crois, a écrit il y a tout juste une semaine, retourner à écrire un chant occitan. Dans un petit atelier collectif. Voilà. Et on va vous faire une première interprétation comme ça, là. Bon. Allons-y. Ils nous disent qu'elle est toujours pas sortie, mais il y a déjà une photo à la radio. Par contre, j'ai pas. Ah si, j'ai pris mon papier. Ah. Nos collègues se gramissent, nos collègues vont nous passer ça. Nos collègues se gramissent, nos collègues vont nous passer ça. Venga la nuit, venga la nuit, bella, besoin l'autano. Venga la nuit, venga la nuit, une des marines loulées. Mes collègues se gramissent, mes collègues vont nous passer ça. Mes collègues se gramissent, mes collègues vont nous passer ça. Venga la nuit, bella, besoin l'autano. Venga la nuit, une des marines loulées. Cette collègue se gramissent, cette collègue vont nous passer ça. C'est collègue qui se gramisse, c'est collègue vont nous passer ça. Venga la nuit, bella, besoin l'autano. Venga la nuit, une des marines loulées. C'est collègue qui se gramisse, c'est collègue vont nous passer ça. Venga la nuit, venga la nuit, bella, besoin l'autano. Venga la nuit, une des marines loulées. Chincoule que se gramisso, chincoule que vont passer ça. Chincoule que se gramisso, chincoule que vont passer ça. Venga la nuit, bella, besoin l'autano. Venga la nuit, une des marines loulées. Quatre collègues que se gramisso, quatre collègues que vont passer ça. Venga la nuit, bella, besoin l'autano. Venga la nuit, une des marines loulées. Tres collègues se gramisso, tres collègues vont nous passer ça. Tres collègues se gramisso, tres collègues vont nous passer ça. Venga la nuit, bella, besoin l'autano. Venga la nuit, une des marines loulées. Dois collègues que se gramisso, dois collègues vous nous passer ça. Dois collègues que se gramisso, dois collègues vous nous passer ça. Venga la nuit, bella, besoin l'autano. Venga la nuit, une des marines loulées. Une collègue que se gramisso, une collègue que vous passer ça. Une collègue qui se gramisse, une collègue qui veut pas s'arrêter. Venga la nuit, bella, besoin l'autano. Venga la nuit, une des marines loulées. Gilles collègue qui se gramisse, gilles collègue qui veut pas s'arrêter. Gilles collègue qui se gramisse, gilles collègue qui veut pas s'arrêter. Venga la nuit, bella, besoin ta fille. Venga la nuit, becha la liberta. Hey. Il y a une ambiance dans le studio de Radio Dio là, c'est terrible. C'est... ça pourrait pas se danser en bourrade de temps, ça. Eh ben, c'est peut-être ça. C'est, faudrait essayer. Ouais, faudrait essayer la prochaine fois. Danse à dire en direct dans le studio, vous direz ce que ça donne, écoute. Bon, la bourrade à 12 ans va être compliquée de te sentir à coup de micro. En tout cas, ceci nous amène à... notre rubrique lexique. Oui, lexique. lexique. Pourquoi rubrique lexique? Bah déjà parce que c'est, ça a été une écriture collective et du coup, on s'est, déjà, il me semble qu'on invente des choses et notamment l'idée de s'intéresser à faire de l'inclusif, quoi, l'écriture inclusive en occitan. Et ouais, et l'inclusivité du langage en occitan dans des chansons aussi, donc... Qu'est-ce que ça donne? Comment on fait pour entendre? Ouais, parce que souvent, la question que enfin, une question qui s'est proposée, un peu l'inclusio qu'elles ont écrit, et comment réaliser à l'oral, le mot qu'elles ont écrit, un peu des puns, un peu des lettres, que ça vaut pas quoi. Et donc, tout l'intérêt est de trouver des formes pour dire en premier. C'est vrai que dans l'actualité, en tout cas, la langue inclusive, elle a surtout été discutée avec comment on l'écrivait, avec les points de séparation. En majuscule, voilà, le en majuscule. Au lieu de mettre tirer. Ça entre parenthèses, voilà, les tirets, etc. Mais qu'à l'oral, j'ai l'impression que ça n'apparaît pas. Enfin, je te rejoins. Alors qu'en fait, il y a quand même y a des versions, il y a des possibilités. Mais certainement à cause de la crainte certainement de l'Académie française et tout ça et tous ses apôtres, eh bien on a du mal à par exemple essayer de dire lu au lieu de lui ou elle ou l'eau ou Léa pour dire le et la en même temps et alors qu'il en existe déjà plein quoi d'utiliser le pronom ul qui pourrait être inclusif ben pas seulement pour l'égalité homme-femme, mais aussi pour tout ce qu'il y a entre tout ça ou autour de tout ça, c'est-à-dire des personnes invisibilisées, les trans, etc. Voilà, j'avais l'air de le dire. Comment on fait pour contrôler à quoi? Comment? Et si le monde s'éboutonne à faire des formes qui ne sont pas toutes les mêmes, que va être compliqué d'avoir de contrôle sous à quoi? Oui. Donc c'est inquiétant comme problème. Yo, me rassure pas du tout. Hein. Ouais, peut-être que ça leur donnerait des frissons de voir qu'on a remplacé le « la » loup par un « lao » dans les chansons de la chorale. Ça fait flipper, et, vraiment. Et par la cifre « doux », le « deux », en nous citant, il y avait déjà une forme masculine « doux » et une forme féminine « doigt », donc « doigt ou ». Waouh. Après, c'est aussi plaisant à le prononcer, je trouve, là, dans les chansons ces diphtongues là, elles sont assez plaisantes à faire aussi. Donc au-delà du coup de rendre visible, mais c'est marrant. En tout cas. Ouais, et puis c'est rigolo aussi de les aborder comme ça. On est tous à faire là ou là ou loi loi, à tester juste les sonorités de la langue et à voir lesquelles fonctionnent bien et font faire une gymnastique agréable. J'aimerais d'ailleurs, je continue à passer des petites annonces. Dire que si, en fait, je l'ai peut-être déjà dit à la radio, mais que genre la langue française est considérée comme la langue soi-disant la plus sexy parce qu'on avait plein de e et de u dans cette langue qui nous fait avoir un peu une bouche en cul de poule. Du coup, si on utilisait plus ça, le pronom ul et d'autres mots comme ça, on serait encore plus sexy. Alors, allez, redis-le. Ul. Ah oui, c'est très très beau. Ul. Voilà. Mecha. Mecha. Mecha. Je crois qu'on va passer à la suite, non? Oui, pourquoi pas. Et peut-être, tu veux nous dire un mot sur l'inclusif en arpisan ou... Non, je trouve. Enfin, je vous écoutais, oui, je trouve que c'est marrant parce que vous êtes. C'est une démarche créative. Peut-être belle aussi, je serais juste en train de me demander compte quoi, mais c'est vachement intéressant parce qu'on voit que vous avez plaisir à jouer avec tout ça, et je pense que c'est l'important en fait. Parler une langue, c'est pour se faire plaisir. Enfin, en tout cas, quand on n'est pas obligé. Quoi. Mais je pense que c'est quand même pas juste de l'ordre du jeu de vouloir faire ou même créer du sur-inclusif, parce que c'est rebelle dans le sens où... Bah là, les deux seules cases qu'on nous propose, c'est homme et ou femme et devoir cocher une des deux cases. Et là, par exemple, quand je parle du hul ou quand on essaye de dire un doigt ou un autre truc un peu plus mélangé, comme ça, un peu plus nouveau, en fait, ben, c'est rebelle contre ben, ceux et celles et le système qui veut qu'il n'y ait qu'une seule possibilité, en fait, ou deux, en fait. Alors que, ben. Quand je dis hul par exemple, ben je me dis je sais pas qui c'est et c'est peut-être mieux comme ça et plutôt que enfin là j'explique super mal en fait le but du langage inclusif. Non, je comprends bien. Ouais, moi je trouve que ça va. Ouais, mais voilà, ça a une utilité et c'est une lutte à part entière autour de laquelle beaucoup de gens travaillent dans tous les pays et en France on est mais juste à des années-lumière de tout ce qui se passe autour de nous de ce point de vue-là. Bah, c'est un travail sur comment donner une place dans la langue à toutes les personnes qui l'utilisent. Enfin, voilà. Ce qui semble être... C'est une démarche créative et politique. Exactement. C'est vers le bon que font les académiciens est un symptôme, qu'est une posture de rébellion. Exactement. Ils ne feraient pas des bons Komoko si... ne viendrions pas malades comme Komoko. Déjà, à quoi est-ce joué ici ou des à rendre malades les académiciens. Bah, c'est vrai que c'est le bonheur, quand même. Juste pour terminer, on avait une petite proposition quand même parce que on n'a pas trouvé de choses, enfin de mots qui soient inclusifs pour, enfin qui nous satisfassent. Satisfaine, on s'en fout. T'es Marchese. Nous satisfoune. Satisfoune. pour une. Une et une, ouais. Donc en français, un et une, et du coup en occitan, qui serait une et une. Et ouais. Comment on peut l'entendre à l'oreille, qui a à la fois une et une, qui sont présents et présentes dans la, le mot. La différence, c'est entre une et une. Une. Une. Une. Ah ouais. Et donc, du coup, ce serait trouver quelque chose qui soit autre, un peu dans l'idée du hul, mais de s'amuser à trouver un... Et une. Une. Ça va pas, ça existe déjà. Bref, ouais. À réfléchir et vous pouvez envoyer vos propositions à lingrebelle@triseup.net. Ouais, plein d'idées. Voilà, on passe à la rubrique ActuLang. C'est l'ActuLang. Donc, est-ce une actualité qui est liée à Soke Poporta des positions là, l'Union européenne, qui n'est pas toujours le cas, mais à Ti, il y a quand même une embryon de Soke Poporta, c'est une démocratie. Et donc, il y a une disposition européenne qui permet d'arriver à l'ordre du jour de la décision internationale européenne, des sujets qui ne sont pas traités pour le moment, à partir des pétitions qui ont mis d'une 1 million de personnes. Et donc, dernièrement, il y avait une pétition en circulation sur la thématique d'arrêter, de stopper la discrimination contre la minorité et la langue minorisée. Et donc, à quelle pétition capitaine avait mal d'une million, 1 012 000, vous ne savez pas quand, personne qu'on signa à quoi. Et donc, ça droit. Écouta et souligna l'actualité pour voir ce que Névir va être à l'ordre du jour du conseil pas régional, conseil européen. Européen. Rien que ça. Des par là d'accord. Tout compu, on colle la signasse, c'est un petit chon, mais il est femme là. Et ça vaut, mais le nombre est arrivé, donc pas un problème. C'était quoi la 1 275 000. Il était en appétit chon officiel de la. On a sorte de métaux qui s'appellent de consultation, enfin de qui est populaire en fait, que sont des propositions qui venaient pas du conseil européen, mais qui venaient des personnes qui décident par d'associations, par d'organisations différentes. Parce que de c'est qu'il y en a, il y a la possibilité de faire de pétitions officielles de Purta pour les citoyens européens. Pas qu'à Oko. Je pense que c'est ça. Là. Eh bien, pour continuer avec l'actualité, puisqu'il fait chaud, il fait bon, il fait beau, et c'est les vacances, nous allons parler un peu vacances. Ah. con grande lourd et voilà, non, plus. Irene, tu la conosci la canzone Vite una grozza? Vite una grozza su al cannone. Fui curiosa di voi siari e da Maris Pugnio con gran dolori. Non mi ricordo. La notte di campagna. Voilà, c'est un peu ma carte postale pour vous, très chers auditeurs, car j'étais en Sicile et en fait, et là-bas, et ben, la Sicile, et bien en Sicile, en fait, on parle une langue différente et même plusieurs langues différentes qui sont pas reconnues comme des langues officielles, qui, comment dire, et qui, enfin, qui sont teintées de centaines et même plus années de colonisation diverses, entre guillemets aussi, mais enfin, voilà, il y a bien sûr des influences romaines, grecques, arabes et françaises, et pour la seule île de la Sicile, elle compte elle-même 11 dialectes qui sont comme des branches du sicilien. Et voilà, j'ai trouvé ça très beau, j'espère que ça vous a plu, cette petite carte postale. Et ça me permet de vous faire écouter une chanson donc, d'une très grande chanteuse sicilienne qui s'appelle Rosa Balistreri, qui est une icône en fait, de la Sicile du XXe siècle. Elle est née en 1927 et morte en 90 à Palerme. Et elle a une voix vraiment très rauque. Est très impressionnante. C'est vraiment une femme très forte qui a réussi dans ses chansons à s'indigner contre la mafia, disons, à sa manière. Et voilà, sa voix est décrite par Leonardo Sciascia comme une voix violente, tendre, amère, douce, pleine d'ambiguïté, un peu comme la Sicile. Maledetto giumento che grappivo l'occhio in terra, da stu perno, sti vent'anni di tormento, culo cori sembri in guerra, notti e giorno terra che non senti, che non vai capire, che non ti ci nenti vedendo mi morire, terra che non teni, oh, partiri e non decidone pi folli tornari e piangi chia nina e piangi chia. Stanni culo cori sempre in guerra, notti e giorno, maledetto cu ti canna promettennuti la luce e a fratellanza. Terra che non senti, che non vuoi capire, che non ti ci niente, vedendo mi morire. Terra che non teni, vuoi partire, e non ti ci chianchichia ninna e chianchichia ninna o Et voilà, une toute douce chanson de Rosa Balistrieri. Ouais, c'était juste... Tu citais un peu toutes les langues de la Sicile. Il y a aussi des villages qui parlent occitan. Il me semble bien qu'il y a des villages qui parlent catalan aussi. En fait, il y a eu beaucoup de mercenaires qui sont installés en Sicile. Et donc, il y a des villages entiers comme ça qui parlent des langues très éloignées. Trop bien. Oui, c'était une belle chanson. Tout à fait. Et quelle voix. Wow. Alors, maintenant, passons à l'agenda. Comment on dit agenda en arpitan? Agenda. Agenda. Bernamej, je crois, en arabe, c'est le programme, mais c'est pareil, vous avez compris. Alors, l'agenda de ce mois, c'est quoi? Commencez par les ateliers de remue-ménage qui sont toujours pariés. Une alternance entre une mecre, un mercredi occitan, un mercredi arpitan. Le premier, le troisième et cinquième, s'il y a un cinquième, sont en arpitan. Et le second, le quatrième, en occitan. Et donc, au cas où fait lecture, le remue-ménage entre 16h et mai, 6h30 et 8h. Et tiens. Et du coup, il y en a yon, si tu sais. Juste dans 35 minutes. Ah ouais, on va faire vite là. Et ben là, on va continuer dans les annonces speed très bientôt. Vu qu'il y a une répétition de la chorale occitane décoloniale révolutionnaire, pas que occitane d'ailleurs, ce soir. Et demain, avant les vacances, toutes les semaines fantastiques. Attends, pousse. Ce soir, pardon, et la semaine prochaine. Voilà, ce mercredi et mercredi suivant. Donc j'ai envie de chanter tous les jours, je crois que ça me perturbe. Et à 20h, rendez-vous au local, ça roule. Et voilà, peut-être qu'on ira faire un petit tour dehors pour chanter. Donc si vous arrivez plus tard. Rendez-vous vers les... Il y aura un papier sur la porte. Ah, il y aura un papier sur la porte. Super. Sur la porte. Voilà. Et il ne faut pas hésiter à venir, même si vous ne savez pas chanter, même si vous êtes nul. Il y a des nouveaux et des nouvelles à chaque fois, et c'est ça qui est bien. Il y a tout à faire, on peut taper dans les mains et tout, c'est beau. Et puis après, Cisa, c'est une répétition création. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et donc, une autre actualité qui est proche, j'espère, démo. Demain. Le Diozzo, le jeudi. 28 de juin, une sera autour de l'idée d'école immersive à Nocheto. Donc le thématique de la discussion est per qui créa une école occitane à Vicentième, à Saint-Étienne. Et donc la discussion sera à 7h30, après un casse-croûte à 6h et mai, après libre, et à Tsabarin par une concert de une groupe des polyphonies arpitanes qui s'est dit la mie au tiroir et qui est de monde du Lyonnais. Et okay. Tout ça, ça se passe. Et du coup, au Ramin Agrobis, qui est à la 15 rue Georges Dupré, au même endroit que ça roule, et qui est à Saint-Tièvre. Ok. Voilà. Et donc, on continue dans le temps, après-demain, vendredi 29 juin, à l'Amicale laïque du Crédroc, qui est une fête de soutien aux inculpés de la loi travail. Là, récemment, 8 personnes ont reçu des convocations et vont être jugées dans un nouveau procès qui va être le 13 septembre 2018 à Saint-Étienne pour des faits de dégradation datant du printemps 2016 et des refus de prise d'ADN. Donc, il y a une soirée de soutien à partir de 18h. Donc, vous pouvez venir avec vos boules de pétanque. Il y a une expo photo, une cantine. Et là, un petit clin d'œil à tes vacances, Sophie. Ah, oui. Parce que apparemment, ce serait sûrement de la cuisine sicilienne en partie. Voilà. Et donc, j'en parle là parce qu'il y a des concerts avec plusieurs groupes. Et notamment, les Mécanos, c'est une chorale de Saint-Étienne qui chante aussi en occitan. Et ils sont assez impressionnants. Donc, voilà. À partir de 18h, vendredi. À la fin de l'agenda Hatchazur, pendant 30 jours. Donc tout le jour, il y aura une chose. Notre agenda va durer 46 minutes. Mais les rebelles, remplis vos soirées pendant un mois. Oui, on peut là parler encore de. Allez, un tout petit peu plus loin dans le temps avec la retournade. Oh! Oui. Oui, c'est 5, 6, 7, 8 juillet. Donc c'est pas à Saint-Étienne, c'est à Athènes. Entre Vela et Vivarais. Ouais, voilà. Hein. Et c'est un festival essentiellement tourné autour de l'Occitan. C'est un festival qui a 5 ans, qui est la 5e édition. Et que donc le premier jour, le 5, il y aura des théâtres et après des concerts, des balletis, des tout. Et donc ça se passe les 5, 6, 7 et 8 juillet, rien que ça, à Tence pour la retournade. Voilà, et du coup, on peut peut-être parler de notre prochaine émission qui sera diffusée le 25 juillet à 17h sur Radio Audio toujours. Et c'est une émission qu'on aura enregistrée avant et on va l'enregistrer justement pendant la retournade. Le samedi 7 le matin, voilà, et du coup vous pourrez en profiter le 25 juillet à 17h. Encore une fois, il ne faut pas sourire tout le monde, hein. Le rare est le problème, hein. Ne vous remettez le mati. Mati, d'accord. Le stairway, c'est pas le var à 9h30. Pas toujours, non, pas pour tout le monde. On peut aussi parler de la surprochaine émission, puisque en fait, c'est quand même l'été et tout ça. Donc le 25 juillet à 17h, voilà, on vient de vous le dire, on vous diffusera le faux direct enregistré à la retournade. Et le 22 août à 17h, on vous diffusera en exclusivité. L'émission Zéro. Que vous n'avez jamais entendu et qui ptafina, quoi. Pardon. Du coup, c'est un petit peu le moment de dire au revoir. C'est la fin. Il est 18h pile. Oh là là. Et ben, on va quand même écouter une dernière petite chanson, peut-être. Oui. Et puis, n'hésitez pas à écouter Radio Audio sur Internet tout l'été. Les petits blés. Allez, on se quitte avec une chanson de... Comment ça se prononce, ce Cucagna. Cucagna. C'est ça? Cucagna. Ouais. Et alors, Cucagna, qui, avec le titre Dempuey Oriac, c'est ça? Et avec une super pochette d'album, je suis trop triste pour vous que vous ne pouvez pas la voir, parce qu'il y a un super clitoris géant sur un rond-point. Et moi, j'aime bien. Voilà. C'était Harvey, donc. Harvey, ouais. Allez, bisous. Adieu, ciao. De Mimi. Pico à l'ouroc, pose ta caisse, pose ton sac. Tu stole la gulio, pico à l'ouroc, pose ta caisse, pose ton sac. Tu stole la gulio, pico à l'ouroc, pose ta caisse, hai travagliato, hai patrimato, di tre rinura, vino vieglio, d'embellie. Tanto in un mat, e di mandellare in tirato, ausi cinema su scanta, ai sicoi in nobu no vila, bo a sazza, di melua Vous souhaitez-nous bon sous-vos flaides Amaya vos pistre de lloc N'aurias pas une presse pas de faire Souillon vernia L'ovos parioi Nicole Uroc Pauso ta caisso, pauso ton sac Tisto la guilio Pauso ton sac, pauso ta caisso Mangi crustu e beu in cop E puoi ne riprendere sta caisso Me tagliarás a queste rock A me la masso Tisto la guilio, piccolo rock Per la fina Lumestres contente la cido A trubatù In grana uvernias Sono sapendo a mai lainato Lur vanto lur nubel bailin Lugar dario un bei un annato Travaglio fi A mai es adres La figlio garnis la cunulio Pres de la uvernia se mafiala Arrestas bus pausas la guilio Surice fi Lio marida Pilu rock, pauso ta caisso, pau tu sac, tisto la guilio Pilu rock, pauso ta caisso, pau tu sac, tisto la guilio Pilu rock, pauso ta caisso, pau tu sac, tisto la guilio Pauso tu sac Ilio caiduna ma paraolo, tisto pis fols en la gacha Gran merci bravo, du maizelo, mon cul express Bula ora espas Gran merci, bravo, du maizelo, mamion vespero, auriak.